très grand plaisir de recevoir Vincent Sienneau pour cette lecture sur Alexandre Marius Jacob, un texte écrit par lui. Donc Vincent Sienneau vient du TRAC, Théâtre Rural d'Animation Culturelle de Pomme de Venise. Alors, c'est comme ça, on fait un petit donc a priori des études de psychologie. Puis tu es devenu conseiller d'éducation populaire à la direction départementale de la liaison sociale du Vaucluse. Ex-Voilà. Où tu es toujours? Oui, encore quelques mois. Donc très très investi dans l'aventure de ce lieu que je trouve fabuleux, le TRAC, en étant entre autres metteur en scène. Acteur aussi, et je suppose tout un tas d'autres tâches. C'est le genre de lieu où en principe on fait un peu tout. Le TRAC a été fondé en 1979. Il se définit comme théâtre d'éducation populaire au cœur du milieu associatif, avec notamment l'organisation du stage. Le TRAC partage le plaisir du jeu et de l'émotion avec les publics les plus divers, en des lieux insolites, sites naturels, sites du patrimoine. Carrière, pré, chapelle, place, parvis, ferme, sentier, etc. En 1986, il entreprend la construction d'un théâtre à Bomme de Venise, la salle Fracasse, qui depuis 2003 est au service de l'éducation populaire et des pratiques artistiques. Le TRAC ne reste pas cantonné dans le Vaucluse, loin de là. Il présente ses créations dans tous les coins de France et dans plus de 20 pays. De l'Italie aux États-Unis, en passant par l'Algérie, la Grèce, la Hongrie et bien d'autres d'ailleurs. Plus de 600 personnes, comédiens, techniciens, etc., ont participé activement à cette aventure du théâtre amateur, dont une soixantaine ont pu accéder aux différentes professions du spectacle vivant. Parce qu'en fait, vous avez souvent des, ou tout le temps même, des jeunes qui sont en formation. C'est pas une école, mais c'est une école par la pratique, on va dire. Voilà. Et chez vous à Bomme de Venise. C'est donc dans le Vaucluse. Parlons du Mont Ventoux, au pied du Mont Ventoux. Il y a un très bon vin, le muscat de Bomme de Venise. C'est vrai, c'est vrai. Il y a des voitures qui vous emmènent là-bas, non? Oui, non, mais tu sais, il peut y avoir des voitures juste dans le Vaucluse, hein, Lily. Ah oui, il y a quand même des voitures qui sont les auteurs mis en scène ont été nombreux, bien sûr. On peut citer Shakespeare parce que c'est un des petits derniers. Enfin, il y a sûrement eu d'autres choses. Voilà. Molière, Camus, qui nous est cher, bien sûr. Et là aussi, bien sûr, plein d'autres. En 2012, le TRAC a présenté deux pièces de Camus à un autre Sierra, notre petit frère, le Sierra Limousin, dans un château près de Limoges. Il y a Révolte dans les Assurés, mais là, je ne sais pas. Les Justes, parce que... Non, je ne sais plus. J'étais pas. Parce que comme il y en a plusieurs, oui. Du coup, je c'est sais pas. Soit, soit. Je sais qu'il y a eu Révolte dans les Assurés. Révolte dans les Assurés, je crois que ça, c'est un travail particulièrement original, on va dire, puisque... œuvre collective de jeunesse, et je crois que ça n'avait jamais été monté. Dans celle qui intervient en Algérie en 1936. Voilà, donc monté pour la première fois par le TRAC, vous avez fait une jolie petite tournée avec ça d'ailleurs, allez dans les Asturies, le jouer, ce qui devait être particulièrement émouvant. C'est grâce à l'accueil de la CNT, hein, puisque officiellement il n'y avait pas de. Puisque c'était pour les 70 ans de la révolte de, hein, donc, des Asturies qui était donc. 34. Oui, et Camus a écrit en 36, au moment des événements d'Espagne, et donc le maire d'Algérie a interdit la. Ils avaient préparé, la pièce était prête, hein, mais c'était interdit, et puis après c'était la scène. Jamais été. D'ailleurs, j'en profite pour dire aussi que Vincent Sienneau raconte un petit peu tout ça dans le calendrier du Sierra 2017, qui est justement consacré au théâtre. Un des mois. Et tu es au mois d'août, je crois, c'est ça. qu'est-ce que je peux vous dire encore? Oui, que en 2015, le Sierra a fêté ses 50 ans, et là aussi, encore une fois, le TRAC était à mon côté, en ayant joué Terre de Poilu. Oui, c'est ça. Terre de Poilu. Oui, Terre, j'allais dire, pardon. Terre de Poilu, on avait fait ça au Théâtre Tourski. En 2016, toujours le TRAC, mais Vincent, on a exporté le TRAC, on va dire, au Québec, à Montréal, pour le théâtre, pour le festival de théâtre anarchiste. Voilà. Il a parlé de Camus Libertaire dans une bibliothèque anarchiste de Montréal qui s'appelle la Dira. Ouais. Voilà. Et donc pour finir aujourd'hui, il va nous parler de Alexandre Marius Jacob. Et puis quand la lecture sera terminée, ben, comme d'habitude, on pourra poser des questions, tu pourras développer le trac, Camus, Jacob, ce que tu veux, et nous terminerons par un petit apéro. Voilà. Tu me laisses juste de l'argent. Personne pour faire vos spectacles. Si on est aidé, quand même, oui. Vous êtes aidé. Mais surtout le public. Hein. C'est le public qui nous aide, surtout. Philippe, qui, pardon, oui. Techniquement, qui... Il y a juste deux. Il y a juste. Et voilà. Tout est en ordre. Linge lessivé, rincé, séché, mais pas repassé. J'ai la cosse. Cette paresse du dernier moment. Excusez la perfection du pain de ce monde. Vous trouverez 2 litres de rosée à côté de la panetière. Allez, je prends un verre d'acompte à votre santé. La mienne de santé ne préoccupera plus personne. Et c'est l'âme sereine, ma chérie, que je fais la paix avec mon vieux corps et règle à la camarde de son compte. C'est bien plus facile de faire un pied de nez à la mort que de parler d'amour. Voilà. Lui claquer la porte au nez à la faucheuse alors qu'elle vous y attend derrière depuis que vous êtes né. Elle a fait joujou avec moi tout au long de la vie. 10 fois, 100 fois, elle aurait pu me la prendre. Pas 2 doigts de lui tendre moi-même la main que j'étais, tant elle me travaillait le corps de ses fièvres envoûtantes. Mais bon sang, je lui ai tenu tête à elle et à tous ceux qui pour moi l'invitaient. L'inviter au bal des assassins, au bagne des morts-vivants, à la barre des palais d'injustice. Ils ne sont pas peu ceux qui auraient donné père, mère et un bon prix d'entrée pour le spectacle, me voir balancer au bout d'un nœud coulant, ou bien virer mon cou en coupe sanguillonnante et plus loin la tête ahurie par l'incongru détachement. D'autres m'ont infligé cachot, poison, trahison, à chacun sa mode et sa façon de faire pour me faire taire et me fourguer une fois pour toutes à la croqueuse d'éternité. Eh bien non, je ne crains d'aiguën. Et je n'osais pas laisser ce plaisir. Et toi, le croque-mitaine des derniers jours, tu ne décideras de rien du tout. À mon tour de te défier et de prendre ma mort à bras le corps. Et de danser tout seul avec mes souvenirs. Et de chanter ma vie sans tambour ni trompette, mais avec la foi du charbonnier qui maîtrise son feu pour inventer le bois de demain et la braise du désir. C'est moi qui achète le billet et décide de la destination. Le voyage, ça me connaît, et le chemin de fer aussi. J'ai visité toute la France avec le train de la chance qui m'a porté de demeures en château afin d'y détrousser bourgeoise et châtelain. Jusqu'au jour où je suis monté dans celui de la school. Pas de chance. J'étais encore jeune et ça roulait, ça roulait, ça roulait. 24 ans. C'est bien jeune pour arrêter un bon boulot. J'aurais dû rester sur les bateaux, sur les voiliers de mon enfance moussaillon, et continuer à voyager sur les eaux, à voler sur les vagues et respirer à pleine voile. Le grand large, je l'ai pris à 11 ans, en quittant le quai de la Joliette. Sur le pont d'un navire nommé Tibet. Et sous les yeux, en larmes de Marie, la mère, ma bonne mère à moi, presque autant marseillaise que l'autre. Sans oublier Jules Verne et Victor Hugo dans la poche et dans la tête. J'ai toujours été précoce. Tôt au travail, retraite très anticipée et travaux forcés dans la force de l'âge. Tu vois, négro, mon beau vieux chien. Le voyage, je l'ai dans le sang. Oh, comment ne l'aurait-on pas en laissant à Marseille? Tu dresses l'oreille, ok? Je croyais pourtant que tu étais sourd à ton âge. Et même un vrai aveugle, hein? Tu ricanes. L'hôpital qui se fout de la charité. Titi, tu n'as pas tort. On a le même sort. Fin de six jours. Le même sort. T'entends, Miro? J'ai encore la musique de Marseille sur les cordes vocales. Pourtant, là-bas, je n'ai plus mis les pieds depuis que le bagne m'a recraché sur la métropole. Alors pourquoi? Pourquoi le grand départ approchant? C'est l'univers de l'enfance qui remonte au cerveau et serre la gorge jusqu'à mouiller les yeux. Imagine, négro, imagine Marseille dans les dernières décennies du 19e siècle. Ce n'est pas le soleil qui t'a aveuglé du côté du Rouet, et certainement pas la nostalgie qui provoquait les larmes dans ces quartiers populaires tout autour des fabriques. La masse laborieuse s'entassait là, à l'ombre des cheminées de briques, à flanc d'usines et d'entrepôts, à deux pas du gagne-pain, côtoyant les crèves fins. Rose de vie, quand pour la gagner, tu vis dans le poison quotidien. Ce poison qui te nargue en panache noire, en poussière blanche et autres particules invisibles généreusement offertes par l'industrialisation triomphante. De la rue, gaz du Midi à la rue du Rouet, jusqu'à l'avenue de la gare du Sud, ce n'est que joyeuse concurrence en pollution nocive. Entre sous des soufres, savonneries, huileries, fabriques d'allumettes, entre usines à gaz d'hydrogène, d'étain, de plomb, de cuivre, entre forges et marbreries, quelle atmosphère riche en produits et odeurs exotiques que respirent nos frères prolétaires. De ces poumons-là, je ne voulais pas. Non, maman, je n'irai pas à l'usine à Comagra de Gagne. Tu n'es pas content, Léo? Oh oui, je comprends. Tu croyais que j'allais parler d'enfance heureuse ou d'amour lumineuse. Et chanter quelques airs d'opérette de l'Alcazar. Pour une fois dans ta vie, parler d'amour à voix haute, quel exploit! Vrai, négro, je n'ai même pas su l'aboyer, l'amour. Ça t'étonne, hein? Tiens, tiens, même Zézette tend l'oreille dans son panier. Vous ne faites pas ta mijaurée, chatte dévergondée. En vérité, j'ai attendu ma 73e année pour m'apercevoir que j'avais tout simplement oublié d'être amoureux. Bien entendu, j'ai connu des femmes, je n'ai pas été toujours privé de liberté. Mais avais-je été vraiment amoureux? Peut-être, peut-être que vaut la mémoire. Amoureux peut-être, mais pas avec la violence du cyclone et l'impétuosité d'un bouquet final, pas avec l'exclusive passion de la soifée, de l'incendiaire. Tel était mon amour pour toi, mon amour, à 73 ans. Ne jouez pas aux effarouchés, les éberlués. De mon état d'amoureux, vous en étiez témoin et jaloux, Jaloux, je l'étais aussi comme un enfant, comme un amant. Souviens-toi, Zézette. En septembre 1953, j'osais lui avouer mon amour. Toi, négro, Tu n'as cessé d'être de mauvaise humeur pendant le mois qu'elle a passé ici. Et tes yeux disaient, tu n'as pas honte, mon vieux, elle n'a que 27 ans. Et tu pensais, dédaigneusement, nous ignorant du haut de ta morale canine, qui vaut bien celle des grenouilles de pénitier. Nul jugement, nulle divinité, nul despote ne m'ôtera la joie des jours de Josette. Et par elle, je revisitais la vie avec la fougue de la jeunesse, la tendresse d'une amie et les émotions de l'amour. Tout cela avant la tombée de rideau. Tout cela. Tout ce que désire l'être, mon être, avant d'achever la partition. Et quand, pris de lucidité coupable, je lui rappelais à elle notre différence d'âge, pour les amants, disait-elle, c'est sans importance. Merci, mon amour. Raison de plus pour ne pas laisser la sénilité s'immiscer insidieusement dans notre récit. Voilà pourquoi je t'avouais mon voyage sans billet de retour. Négro, je t'interdis de toucher à mes journaux. Compris ? Fais voir. Impeccable, tu ne pouvais pas mieux choisir. Germinal, le journal du fameux procès d'Amiens. Messieurs les jurés, vous savez maintenant qui je suis, un révolté vivant de cambriolage. De plus, j'ai défendu ma liberté contre l'agression d'un gens du pouvoir. J'ai mis à nu mon existence de lutte. Je la soumets comme problème à vos intelligences. Ne reconnaissant à personne le droit de me juger, je n'implore ni pardon, ni indulgence. Puisque vous me reprochez d'être un voleur, il est utile de définir ce qu'est le vol. La vérité démontre que plus un homme travaille, moins il gagne. Moins il produit, plus il en bénéficie. Le mérite n'est donc pas considéré. Les audacieux seuls s'emparent du pouvoir et s'empressent de légaliser leur rapine. Du haut en bas de l'échelle sociale, tout n'est que friponnerie d'une part et idiotie de l'autre. Comment voulez-vous que, pénétré de ces vérités, j'ai respecté un tel état des choses ? Le maçon qui construit des châteaux et des palais, il manque d'air dans un infectaudit. Ceux qui produisent tout n'ont rien, et ceux qui ne produisent rien ont tout. La lutte surgit et la haine porte ses coups. La société ne m'accordait que trois moyens d'existence. Le travail, la mendicité, le vol. Le travail, loin de me répugner, me plaît. Ce qui m'a répugné, c'est de suer sang et eau pour l'aumône d'un salaire, c'est de créer des richesses dont j'aurais été frustré. Tout homme a droit au banquet de la vie. Le droit de vivre ne se mendie pas, il se pend. Le vol, c'est la restitution, la reprise de possession. Plutôt que d'être cloîtré dans une usine comme en un bagne, plutôt que de mendier ce à quoi j'avais droit, j'ai préféré m'insurger et combattre pied à pied mes ennemis en faisant la guerre aux riches, en attaquant leurs biens. Certes, je conçois que vous auriez préféré que je me soumette à vos lois. Qu'ouvrier docile et avachi, je crée des richesses en échange d'un salaire dérisoire, et que le corps usé et le cerveau abêti, je m'en aille crever au coin d'une rue. Alors, vous ne m'appellerez pas bandit, mais honnête ouvrier. Messieurs, je préfère être un cynique conscient de ses droits qu'un automate, une créatide. La prison, le bagne, l'échafaud, dira-t-on. Mais que sont ces perspectives en comparaison d'une vie d'abruti faite de toutes les souffrances? Bon nombre d'ouvriers contractent des maladies fatales dans l'exercice de leur métier, s'épuisent, s'empoisonnent, se tuent à créer pour vous. Il n'est pas jusqu'aux gendarmes, aux policiers, vos valets, qui pour un os que vous leur donnez à ronger, trouvent parfois la mort dans la lutte qu'ils entreprennent contre vos ennemis. Si je me suis livré au vol, ça n'a pas été une question de gain, de lucre, mais c'est une question de principe, de droit. J'ai préféré garder ma dignité d'homme que de me faire l'artisan de la fortune d'un maître, en termes plus crus, sans euphémisme, de féminisme. J'ai préféré être voleur que volé. Certes, moi aussi, je réprouve le fait par lequel un homme s'empare violemment et avec ruse du fruit du labeur d'autrui. Mais c'est précisément pour cela que j'ai fait la guerre aux riches. Les riches, voleurs du bien des pauvres. Moi aussi, je voudrais vivre dans une société où le vol serait banni. Mais s'il y a vol, ce n'est que parce qu'il y a abondance d'une part et disette de l'autre. La lutte ne disparaîtra que lorsque les hommes mettront en commun leur joie, leur peine, leurs travaux, leurs richesses, que lorsque tout appartiendra à tous. Anarchiste révolutionnaire, j'ai fait ma révolution, vienne l'anarchie. Du délire dans la salle d'audience que je vous dis, l'euphorie de l'illusion, un bref instant. Mais la contemplation exaltée d'un ordre social injuste, enfin culbuté. Et le journal Aurore décrit, mais ce n'est pas la société représentée par les magistrats et leurs jurés qui jugent le chef des voleurs. C'est le chef des voleurs qui fait le procès de la société. En vérité, il conduit l'affaire. Il est tout le temps en scène. Il est toujours à la réplique. Il préside et il juge. Accusé, levez-vous. Oh non, monsieur. Ah, découvrez-vous alors. Ah non, vous êtes bien couvert, vous. Et blanc de la répartie, de la boutade, de l'impromptu dans les gencives. Je l'aurais même servi du Juvénal en bouillabaisse et de l'Aristophane en aïoli. La fine fleur de la Provence, ok. Waf. Est-ce applaudissement ou désapprobation que ces aboiements? Ton cirque. C'est ça que tu lances avec tes insolents jappements? Oh, si ta mère te voyait. Esverai, pauvre mère, Pitkairemaya. T'entends, Zézette, c'est vrai que c'est mieux tout de même avec un peu d'accent. Non, je ne l'ai jamais perdu. Les années l'ont atténué. Mon accent, il a roulé sa bosse sonore autour du globe. Il s'est même frotté à celui des baleiniers pirates. Cabossé qu'il fut par les tons canailles des forçats. Mais il a su se déguiser quand il fallait en langue de bourgeois. Au point d'être aussi pointu que celui de la vipère à pognon. Mais la musique maternelle demeure comme matrice éternelle, comme vibration populaire de l'enfance faite ville. Où est la mer? C'est pour toi que je joue ma dernière tchatche. C'est à toi, maman, que je dois cette vie. Quand toutes les prisons se sont fermées derrière toi, après que tu aies sué sang et eau pendant 25 ans et 3 mois, pour que ton bandit de fils, incorrigible bagnard, recouvre la liberté. Tes bras ouverts et le silence de l'affection Les ai-je mérités, mère? Que de mots échangés, écrits serrés sur le papier rare avec des plumes de fortune. Que de mots couchés mais vivants dans nos chairs éloignées. Mots envoyés et reçus pendant tant d'années, d'abord de ma prison d'Orléans, puis de Guyane et de Fresnes, enfin. Dans des lettres au parcours sinueux à la destination incertaine. Ces lettres, je les croyais brûlées. Mais, chère mère, au grenier, tu les avais conservées dans tes affaires, soigneusement classées et enveloppé en petits paquets. Que de codes inventés pour déjouer la censure et se dire, entre nous, la valeur des paroles vraies. Je ris de nos folies, mère, quand je relis les dessins d'évasion et ton implication. Que ce soit pour ma santé, que ce soit pour lutter, que ce soit pour m'instruire, pour écrire, que ce soit pour me nourrir, me vêtir, que ce soit pour me soutenir, que ce soit pour m'évader, que ne t'ai-je pas demandé, maman? Moi, j'ai besoin de lait, j'en ai un besoin impérieux. Va donc consulter Maître Justal et prie-le de te rédiger une demande en secours alimentaire en se basant sur l'article 3 de la loi du 31 mai 1854. Je collectionne infections microbiennes, j'ai des boutons scorbutiques, on dirait des scrofules, j'ai le sang qui est tout noir, en romain de l'urodonal. Je sais maintenant ce que se faire un sang d'encre veut dire. Et voilà, névralgie faciale et diarrhée plus rebelle que jamais, la routine quoi, et j'en passe. Lèpre et tuberculose qui me guette, talus et vampires qui m'espèlent sur le sang. De quoi faire la chance bête. Je patiente dans l'espoir de me remettre à flot avec les médicaments que tu m'enverras. Le lait que tu m'as envoyé a été saisi et vendu. Tout ça, c'est la police qui le suggère. Ce que l'on cherche à provoquer, c'est la suppression des colis à mon adresse. Excuse-moi, ma bien bonne, t'en ai-je donné du tracas. Et cela, je l'avoue, sans trop m'en rendre compte. Édition Maille, des remèdes, tu m'envoies encore des remèdes, nom de nom, mais j'en ai de la maya et du gloméole. Il faut en user, non pas en abuser, que diable. À présent, arrête un peu, je me porte comme un charme, grâce à gloméole. Gloéole enrichit le sang et abrège la convalescence. Affaiblie, anémie, tuberculeux, neurasthénique, gloméolisez-vous. Ce n'est pas la peine de m'envoyer tant de littérature, de la pure blague. J'en ai assoupé de toute cette fiction finement ciselée, puant la fausseté à plein nez. J'ai été charmé par Nietzsche. Et on me l'a confisqué. Pour les pierres imbriquées, je te les avais demandées par les épipèdes et tu m'en as envoyé des cylindriques. Que dis-tu? M'envoyer de l'argent? Mais tu n'y penses pas. Mazette, tu m'as envoyé des fleurs. Des fleurs dans tes lettres. Mais bien sûr que ça me fait plaisir de recevoir des fleurs de toi. Mais pourquoi les tuer, ces plantes, les esquicher? Alors qu'elle serait plus belle en pleine vie, au soleil. Et tu risques une amende par la poste. Ah, j'ai reçu la serviette éponge, mais si grande, que j'en ai fait deux. Elle m'aurait ruiné en savon. Maman, à ton âge, penser à venir me rejoindre. La chose est tellement énorme qu'elle ne peut pas se concevoir. J'ai bien reçu les journaux, mais la pipe et les pierres imbriquées ont fait naufrage. N'en parlons plus. D'ailleurs, sauf la lecture, les objets sont de rechef rigoureusement interdits. Aussi bien ne m'envoie plus rien. Avec les économies, tu devrais en profiter pour aller au théâtre un peu plus souvent. Une seule fois en 8 ans. Oh, ce n'est pas beaucoup, tu sais. N'est-ce pas suffisant que d'être atteint par le sort, pourquoi aggraver ta douleur en restant recluse? Maman, toi, tu es libre. Moi, vraiment, je ne me reconnais plus. Quelle dépression morale. Effet de l'encellulement, sans doute, j'ai demandé un emploi, une occupation capable de captiver toute mon attention, mais autant prêcher dans le Centrafrique. J'ai une mauvaise réputation. Pourtant, je ne vois pas d'autre moyen pour sortir indemne de la crise de nihilisme qui m'étreint depuis des mois, qui finira par me terrasser. Je suis absolument... Je peux neuriser. Ouais. J'ai beau vouloir réagir, je retombe toujours dans le marasme. Pardon, maman, pardon, je barjac comme un jobastre. Si tu savais, ma chère mère, le bonheur de te savoir libre, toi. Quelle joie quand j'ai appris qu'après le renvoi en cassation, tu t'es enfin acquitté. Ton acquittement, quel soulagement. 29 mois derrière les barreaux pour toi, mais ce n'est que trop. À 5 années de réclusion, les jurés t'avaient condamné pour activité criminelle. Que comprennent-ils aux amours maternels? Dans ta lettre de femme libre, je te sentais dépaysée. Cette brusque transition de la prostration à la liberté, de la stupide monotonie de la prison à la fiévreuse agitation des boulevards parisiens, est bien faite pour causer cette impression de dépaysement. Mais sois tranquille, maman, ça ne durera pas, on s'habitue à tout. Comment ai-je pu supporter de te savoir toujours emprisonné? Tout ce temps enfermé à cause de moi, toi, ma maman complice. Et moi, partir pour le bagne en te sachant recluse, j'en aurais perdu ma force de combat. Alors que toi, libre, je quittais l'île de Ré, les reins solides et plus énergiques que la veille pour mener à bonne fin le nouveau défi que j'avais jeté à la société. La maladie seule sera capable de me terrasser. Je m'incline devant tout ce qui est beau, tout ce qui est juste, la vérité et la raison. Mais je ne me suis jamais incliné, je ne m'incline pas, je ne m'inclinerai jamais devant la force. Jusqu'à ce que mon dernier souffle de vie, jusque-là, j'aurai le sourire aux lèvres et le souvenir de toi au fond du cœur. Oui, je me souviens, maman. Je me souviens. À peine sorti de prison, encore malade, tu t'obstinais à vouloir me venir voir sur l'île de Ré. Plus inouï encore, 5 ans plus tard, tu t'entêtais pour me rejoindre en Guyane. En Guyane. Ah, pour une bonne idée, c'est une bonne idée. C'est un joli pays, tu sais, maman, que la Guyane française, si beau, si pittoresque, que je ne m'étonne pas du tout de ta décision de venir ici. Si au lieu de t'aimer comme je t'aime, plus que tout au monde, je désirais ta mort, je te dirais, viens, viens plus vite. Mais je te supplie de n'en rien faire. Un tel climat, un tel milieu social, un tel genre de vie, tu ne résisterais pas à 6 mois. Je cesserai toute correspondance si tu reparles de cette folie. Faut dire, ma mère, Kelika Pampadicin, et faut le dire también, en guise de folie, ton fils fut fou et demi. Pour en arriver là, fallait être un peu calu. De la fantaisie, certes, de l'imagination sans doute, mais le cerveau tourné rond, aussi cartésien que celui de Descartes, de la méthode avant tout. De l'exigence dans l'organisation de la douzaine de camarades, travailleurs de la nuit. De l'intransigeance quant à la sobriété des hommes et de l'équipe. De l'intégrité sur le pourcentage revenant au financement des journaux libertaires. De cette dernière mission, quand fut-il réellement? Ah, j'y restais fidèle, jusqu'à la fin. Mais, à dire vrai, certains compagnons des travailleurs de la nuit n'avait pas les idées anarchistes, ou du moins s'émoussait-elle quand il fallait financer la révolution. Ce qui facilité la tâche du ministère public quand il nous traitait de malfaiteurs. Peut-être malfaiteurs, mais toujours du travail bien fait, que diable. J'ai tenu boutique à Toulouse, où ma mère m'avait rejoint avec Rose, ma compagne d'alors. À Bordeaux ensuite, l'illégalisme révolutionnaire avait paravent légal. J'ai même ouvert un commerce de quincaillerie à Montpellier pour étudier en toute tranquillité les mécanismes des coffres-forts et inventer la perceuse du futur. Les gofios n'avaient plus de secret pour nous autres. J'évitais scrupuleusement les receleurs parasites en bout de chaîne. Et j'interdisais tout vol chez les professions utiles, comme docteur, écrivain. Que l'aventure finisse sur le quai d'une gare, ça crève le cœur, si proche d'un nouveau départ. Tout a une fin, me direz-vous. Alors, là, dans une gare ou ailleurs. Tout de même, il faut avouer que nous finîmes fort. Bagarre à la gare, balle perdue en salle des pas perdus. Le 21 avril 1903, à Abbeville, le cambriolage d'un hôtel particulier est interrompu par la vigilance d'honnêtes citoyens dévoués qui donnent l'alerte au commissariat. Il nous faut décamper hors de la ville, en pleine nuit, sous la pluie. À 2h du matin, nous arrivons à Pont-Rémy. Gare fermée. Prochain train à 6h. Nous sommes trois. Vous, Pélisseur et moi. Enfin, le premier train en provenance d'Abbeville et en direction de Boulogne est annoncé. Au moment où je m'approche du guichet, deux hommes entrent précipitamment. Les voilà, les voleurs de la place Saint-Pierre. Les voilà, les voleurs de Monsieur de la Rivière. Exclamation dite de la filée, sans interruption, sans respiration. Le brigadier, ok, car c'était lui, accompagné de son prévôt. On devient rouge comme un soubassement d'abattoir. Vraiment, ce pauvre homme manque de tact et de prudence. Croit-il nous clouer sur place avec des phrases pétailles, paroles inutiles. Aux actes, revolver d'une main, poignard de l'autre. Laissez-nous passer, tonnerre de Dieu, ou je fais feu. Quoi ? Des armes ? Oui, des armes. Et après ? Lutte brève, mais acharnée. Chirou se jette sur Pélissard, par derrière, à bras le corps. Bourg, voyant son camarade en danger, fait feu sur la jambe, qui s'affaisse en murmurant « Je suis mort !» Pélissard prend la fuite, sans se préoccuper de nous. Ok, m'empoigne pour me désarmer. Un coup de poignard dans la hanche, il me lâche. Le garde barrière entre en scène et prête main forte aux agents m'attaquant par derrière. Tenu dans une position critique, Bourg me tire d'embarras, mettant en joue le garde-barrière. Ah, grâce, grâce, crie le citoyen héros du jour et se réfugie chez le chef de garde pour s'en faire son tour. Je demeure seul aux prises avec le brigadier. Je lui fais un croc en jambe. Il tombe et m'entraîne. Ainsi, aux prises, nous débattant, nous battant, nous parvenons sans le départ perdu. Ou, plus haut, dans un sursaut, s'approche à mes jambes et roulons à trois. Pour me dégager, je tire le coup de revolver. Ok, reviens vers moi. Je fais feu. Il s'affaisse. Je fuis le théâtre de la lutte. Pont-Rémy est en effervescence. La population se prépare à la battue. Les paysans aiment ça, alors, au grand mot, les grands rebelles. Je vais foutre le feu à la forêt. Ça leur coupera l'enthousiasme que je gagnerai du temps. Mais ici, je ne suis pas cassis au pays du soleil, mais cassis de l'autre. Je suis au pays de la pluie, de la boue et des bistous. Toutes les allumettes y passent. Une vraie veine. Des veines qui m'amènent à Arène. Arène ou Arène, je ne sais pas comment on dit. Pour le plus grand nombre de bipèdes par l'heure qui peuplent la Terre, ce mot ne signifie pas grand-chose. Mais pour moi, ce mot, c'est mon Waterloo. Mes 100 jours à moi n'ont duré que 5 heures. Comme tout dégénère, tout s'achève dans une voiture. Un brigadier de gendarmerie, le procureur de la République, et moi, à bout de force. Annihilé, paralysé, prostré, tranquille comme un agneau à côté de mes bourreaux. C'est donc fini. Tu n'existes plus. Vais-je paisiblement tête baissée à l'échafaud ? Comble d'ironie, me voici protégé par 24 gendarmes à cheval. Car la population, alertée, est là, menaçante, donnant de la voix du cri « à mort, allô, à la guillotine !» Et en point d'ordre, le croirez-vous, mes chers amis, une fois arrivée à la prison, la femme du gardien-chef se jette sur moi et me mord le poignet. Pire qu'une chienne enragée. Pardon, mais gros, je ne suis pas offensé. Il n'y a pas de quoi rire, il n'y a pas de quoi rire. Cette histoire finit très mal, très mal. Non, pas pour moi. Pour moi, ma destinée, la route était désormais tracée. Elle finit mal pour cette pauvre femme. Oui, pour la pauvre femme du gardien-chef. Car elle en mourut. De la morsure. Rien ne le prouve. Hein. Mais il est vrai qu'elle tomba malade et succomba. Effrayée par l'agitation et les bagarres provoquées par les camarades dans la prison, peut-être. Ou bien empoisonnée par ma peau de prisonnier venimeux. Enfin, c'est tout de même étrange ces décès de femmes. Car figurez-vous qu'au procès, un mari, juge de paix, m'accusa aussi de la mort de sa femme. Suite à mon cambriolage. Enfin, que l'on soit autant désespéré après un vol de biens matériels amassés, pose la question du bien fondé de tant d'habilité pour la propriété. N'aurait-il pas mieux valu pour cette bourgeoise qu'elle demeura en vie, désintéressée, légère et volage? Non, ma chérie, je n'ai pas changé d'avis. Le compte à rebours continue. Mais la mémoire me ballotte au gré des souvenirs. Et le courant parfois m'emporte dans une tempête d'images. Des images. Figure-toi, j'aime fendre du bois. Et se libérer des essences. Du feu. C'est se retrouver dans la boulangerie de papa Joseph et maman Marie. Oui. Dans notre crèche à nous. À la belle de mai. Ou ailleurs, en d'autres quartiers, avec le peuple cosmopolite de Marseille. C'est aller enfant, avec le feu de bois sur soi, au théâtre du gymnase. Écouter du Labiche, ou l'opérette du jour, assis sur du velours. Ou bien chanter, avec les enfants de chœur de l'église alsacienne, de la rue des Vertus. Église vertueuse que je cambriolerai 10 ans plus tard. Fendre du bois, c'est répandre du parfum et humer l'amour. C'est l'été 53 dans les prés avec toi, mon ange. Sous les feuillages des tilleuls. Il y a toujours du brasier dans mes yeux fatigués, et je ne perds pas de vue qu'il faut toujours jouir allègrement d'une saine rage de révolté. À ta santé, l'homme révolté, père de toutes les libertés. Sans toi, moutons et faux bergers continueront à prospérer dans l'aliénation consentie pour les siècles et les siècles. Amen. On ne va pas se laisser mourir de faim, hein, les amis du grand soir. On va se faire un repas de seigneur digne du grand sceau. Aucune envie de partir, le ventre vide. Que diriez-vous d'une omelette aux pointes d'ortie? Ma folie du jour. Et du saucisson d'Auvergne. Avec un rouge de Provence, hein? J'ai toujours été d'une frugalité légendaire à faire rougir les franciscains. Solitude et ascétisme, un vrai capucin. Au bagne, la ceinture, on me l'a tellement serrée après l'affaire Capelletti, que les 15 mois de cellule dont j'ai écopé et de cachot au pain et à l'eau m'ont fait descendre à 37 kilos. Avec les chaussettes. Un vrai squelette. Ce salopard de Capelletti l'avait non seulement volé, mais en plus, il a voulu m'empoisonner avec un bouillon de lentilles assaisonnées au datura stramonium. Mort rassuré. Alors vous comprenez qu'à Capelletti, je lui ai fait sa fête. Ciao, signore! Via! À l'inferno! Un coup de couteau et le voilà soulagé de sa vie de bagnard. Alors la tête que tu fais, Zazette, tu penses que je suis un peu fada, n'est-ce pas? Ah bien, tu ne te trompes pas. Et j'ai même été enfermé pour ça. Si. J'ai été enfermé à Aix-en-Provence, à l'asile Montpérin. Oui, Montpérin, tout comme Van Gogh. Entre nous, je peux vous le dire, une simulation pour éviter la prison. Jeune comédien, 21 ans, je jouais l'hallucination, la persécution. Faut dire qu'auparavant, j'avais réussi un beau coup d'essai, que d'aucuns à Marseille appelaient un coup de maître. Et à mon bien ri, car déguisé en commissaire de police, avec le complice, j'embobinais le commissionnaire du Mont-de-Piété et le dévalisais légalement. C'était le 1er avril 1897, joli poisson pour mes 18 ans. La vague des jours de jeunesse aurait pu me bercer dans la normalité de mon temps. J'aurais aimé perpétuer mes fiançailles avec la mer et demeurer marin. Bien qu'enfant sur les eaux, j'avais appris déjà l'exploitation de l'homme par l'homme et ressenti le sentiment de révolte face aux cargaisons d'émigrants bétail sur le bleu de la Méditerranée. Déjà. J'aurais aimé apprenti typographe dans l'imprimerie ou garçon de pharmacie poursuivre les apprentissages et vivre ma ville. Mais à chaque tentative, un inspecteur de police venait dissuader le patron de garder ce nouvel ouvrier que j'étais. C'est un anarchiste des plus dangereux. Et un de ces matins, il fera sauter votre boîte. Les patrons artisans étaient bien braves, mais la pression était telle que je finissais par leur dire « Oui, il vaut mieux que je m'en aille. » Alors, il ne me restait plus qu'à inventer les travailleurs de la nuit. Tomber à l'admiration devant la révolte anarchiste au cœur de la Marseille prolétaire des années 90, cela allait de soi pour moi qui vibrait aux soirées familiales libertaires auxquelles m'amenait un jeune ouvrier, tourneur, dont mon père était tuteur. De notre enthousiasme juvénile, naquit l'éphémère journal libertaire L'Agitateur. Et de notre inconscience, un projet de bombe. Projet savamment manipulé par un indicateur. C'est ainsi que j'ai copé de 6 mois de prison et 50 francs d'amende pour fabrication d'explosifs. Alors, je tournais le dos au credo qui nous incitait à l'esprit de sacrifice par l'attentat individuel pour le bien du monde et l'exaltation des humbles. Non, j'imaginais quelque chose de grandiose. Frapper le capitaliste au cœur de son bien, au cœur de son vol, le coffre-fort. Faire de la reprise individuelle directement chez le riche l'arme absolue contre tout parasite social. Sauf en cas de légitime défense, le meurtre est interdit. Et 10% de butins réservés aux œuvres de la propagande. J'entre dans l'illégalisme contre l'illégitime propriété et j'ai moins de 18 ans. Quand je pense que 50 ans après, devenu honnête commerçant, une fois payé ma dette de forçat, un inspecteur des impôts m'accusa de vente illicite de tissus et me fit condamner à un mois de prison ferme. Après 303 mois de bagne, c'était le mois de trop. Un mois de prison, qu'est-ce que c'est pour moi ? Disais-je au juge, le sourire aux lèvres. Pourtant, cet enfermement immérité à Châteauroux me fut plus pénible que tout le temps passé au bagne. Non, décidément, l'honnêteté ne paie pas. La guerre aussi m'avait ruiné. Étant commerçant et non trafiquant, je n'ai jamais voulu augmenter ma marge, alors que le marché noir fleurissait et mes stocks s'évaporaient. Et si je vous disais que même à la libération, on m'a perquisitionné. Si vous aviez vu la tête de ce jeune maquisard qui me gardait, mi-bravache, mi-penaud. Vous nous prenez pour des bandits, nous n'en sommes pas, qu'il m'a fait, pendant que ses camarades fouillaient ma maison. Moi, vous prendre pour des bandits, oh non, vous vous trompez, des bandits, j'en ai connu. Ce n'était pas comme vous, ce n'était pas comme ça. Un jour banni, un autre béni, et même montré un exemple. Oui, oui. En 1935, je fus le sujet d'un grand reportage. Ça te fait rire, monsieur. Tant mieux, ma vie ne prête pas souvent à sourire. Alors, un reportage, disais-je, sur les forçats régénérés. Dans la revue, voilà. Régénérés, disait-on à l'époque, pour un retour à la vie réussie. Et c'est grâce à cet article d'Alexis Danon que j'ai quelques photographies. Je te les ai montrées, je crois. Celles en compagnie de Fernandel. Le grand acteur marseillais qui m'a rendu visite à Reuilly, où nous avions atterri. Il est venu rencontrer un du pays, voir à quoi ça ressemble, un cambrioleur à la retraite. Cambrioleur, bandit, bagnard. Ma pauvre maman, est-ce que nous avions l'air de bandits ambulants sur les marchés de l'Indre, dans les foires avec notre parnum de lingerie, bonneterie et confections en tout genre. Et moi, au volant de notre beau camion roulotte, tu te souviens, quand nous avons choisi d'écrire Marius sur notre chapiteau au lieu d'Alexandre, par économie. Alexandre. 25 francs la lettre. Marius. Terraspi. Marius, un deuxième baptême. La belle vie depuis ce jour. Ce jour, le 30 décembre 1928, où tu m'attendais, maman, à la sortie de la prison de Fresnes. Nous n'avons pas pleuré, comme si on s'était quitté la veille. Notre bonheur restait secret. Maman, tu venais de gagner le combat de ta vie, le combat pour ma vie. Tu ne t'es jamais découragé, jamais. Une mère, c'est l'humanité, toute l'humanité. Et pourtant, combien de fois j'ai essayé de te dissuader de tes démarches, te voyant chaque fois humilié. Et ici encore, te voilà lancé encore une fois, à coup sûr sincère, mais aussi aveugle que sincère, dans les nuages de l'espoir. Depuis des années, tu te démènes, tu obtiens des promesses. Tu crois rallier à notre cause au sort de ton petit, l'avocat pour lequel tu fais le ménage. Tu as réussi à convaincre sa femme, artiste, et même de grands journalistes. Maman, maman, puissent les événements ne pas te retirer trop brusquement à tes rêves. Je ne t'en dirai plus rien. Fais comme tu l'entends. Tu auras toujours mon approbation. Mais ne m'en parle plus. Je n'attends rien de favorable. Lorsque tu auras un résultat, vers l'an 2000, sans doute, alors tu n'en feras pas. Et pourtant, pourtant, grâce à toi, mon cas et ta demande de recours en grâce ont été portées à la connaissance du public. Quel pouvoir de séduction et de persuasion as-tu, chère mère, pour que les journaux, le peuple et le quotidien consacrent des articles à ton combat. Nous étions en février-mars 1925. Quand on a causé quelques minutes avec la mère de ce forçat, on comprend tout ce qu'un cœur de mère peut contenir comme dévouement. Et quel trésor de tendresse a pu accumuler une femme qui, depuis 20 ans, concentre toutes ses pensées, toute sa vie vers un but unique, revoir son fils. Inlassablement, patiemment, sans se laisser rebuter par les insuccès, cette mère a fait toutes les démarches sensées ou insensées pour faire obtenir une commutation de oui, c'est bien toi qui avais raison, ma mère, courage à moi. Amour maternel tenace dans l'adversité, amour qui déstabilise le pouvoir judiciaire et politique, bien plus qu'avocat, article de loi ou manifestations explosives. J'avais tort de te freiner, de m'irriter comme un gosse capricieux et vaniteux. Ridicule, j'étais ridicule. Je te donnais des ordres et des leçons du fond de mon bagne. Mon bagne. Mon obsession. M'évader. Ne compter que sur soi. Se retaper. Remonter la pente. Se refaire une santé. Et n'avoir qu'une idée en tête. Réussir la belle. S'évader. Tentative sur tentative, toujours recommencer, toujours échouer. 17 fois, toujours payer. On connaît la note, lourde, très lourde. Pour moi, au total, 8 ans et 11 mois de cachot, cellule et réclusion avec fer. Ça ne fait rien. Il faut que le cerveau serve. Ne pas accepter l'assouvissement, l'avilissement à perpétuité. Réfléchir, observer, organiser, oser. Et oublier le matricule 34777. Mon identité aussi le 3-4-7-7-7. Premier essai. Une guérite renversée. Parfaite embarcation. Pirogue de fortune. Repéré, mais non identifié. Échec sans conséquence. Un marin dans l'âme comme moi doit s'évader dans un bateau volé. Je prévois le coup avec 2 gars qui mettent les voiles sans moi. Les ingrats, douteux, stigarpés, ignorant la navigation, se font rattraper. Accusé de complicité au procès, je me pose en victime d'une machination. Alors, plus d'audace encore. S'emparer du bateau à vapeur Oyapok. La nuit de son arrivée, avec l'aide de 6 autres forçats, faire main basse sur la moire à fusil, prendre d'assaut le bateau, maîtriser l'équipage et cap sur le Brésil. Pas de chance. Le mécanisme prévu pour sortir de cellule se grippe et je reste prisonnier. Les autres forçats dehors se font punir et me voilà accusé de complot. Je risque gros. Heureusement, le commandant Michel ne trouve aucune preuve contre moi. Et c'est à ma mère que je vais faire courir les plus grands risques. L'Europe est en guerre, et moi je mène la mienne contre les emprisonnements à répétition, contre les souffrances du corps et de l'esprit, contre la captivité. Quitter le bagne serait-ce au prix d'aller mourir sur la ligne de fond? Après tout, c'est l'union sacrée contre les Boches. J'en fais la demande au ministre des colonies. Réponse négative. Donc, seule solution, l'évasion. À qui demander de l'aide, du matériel, si ce n'est à la mer? Elle parvient à m'en envoyer par l'intermédiaire d'un forçat. Hein, il le garde à son profit. 2 ans plus tard, en 1917, nouvel essai avec la mer qui m'expédie 2 pistolets. Dupé, encore une fois, par le bagnard assigné qui conserve la marchandise. La valeur, confiance à un complice est en chute libre. Et je ne peux plus mettre ma mère en danger. Alors, je commets une véritable folie. Je tente le tout pour le tout, un plan de fou. Je fabrique 5 fauteurs. Je m'en procure du chlorhydrate de morphine. Je le cache dans ce qu'on appelle un plan. Il s'agit, excusez-moi, d'un étui anal. C'est là où nous gardions nos richesses, notre unique intimité. Je scie les barres de prison, je me jette à la mer, et m'éloigne sur mes flotteurs. Épuisé, évanoui, la mer me ramène sur les rivages de l'île Royale. J'avais ma drogue. Capturé, on me remet en cellule. J'avale mon poison. Le poison joue son rôle. Je suis dans un état cataleptique. Le médecin diagnostique la mort. Jusque-là, tout va bien. On va me conduire à la morgue. Et, une fois l'effet de drogue estompé, eh bien, ce sera la plus belle des belles. Et voilà. Le toubib se ravise et m'envoie à l'hôpital. Et on découvre le stratagème. Retour case cachot. Avec en prime les souffrances de l'empoisonnement volontaire. Mon cher maman, j'ai tenté de m'évader, seul, par des moyens impropres. J'ai échoué, et me voilà encore en détention. Au minimum, ce sera 2 ans de réclusion. J'ai en plus des troubles hallucinatoires. Excuse-moi, j'ai été faible. Moins courageux que toi, qui au travers de tant de vicissitudes tiens bon jusqu'au bout. Je me suis promis d'accepter mon sort afin de t'accompagner le plus possible sur le chemin de la vie. Et nous avons marché ensemble, maman, main dans la main, 13 années. Main dans la main, de ma libération à ta disparition. C'était le 18 juin 1941. Tu es parti, tu m'as quitté. Et sur ta tombe, j'ai gravé une mère sublime. Une mère sublime. Tu nous as laissés sous le régime de Vichy. Je n'ai pas résisté. Je ne me suis pas enrichi au marché noir. J'avais fait ce que j'avais pu pour les frères libertaires de la Catalogne révolutionnaire. Et si j'avais eu 30 ans de moins, j'aurais repris du service et rendu visite à quelques trésoriers payeurs. Un petit travail de nuit à l'ancienne. C'est de l'humour, mon amour, c'est de l'humour. Je te l'ai dit, je l'ai écrit. La reprise individuelle était un programme un peu simpliste. Mais ce fut la révolte de nos 20 ans. Une mission puérile peut-être, mais immensément moins criminelle que celle qui allait survenir. La guerre, le crime des crimes, un crime politique jamais puni. Notre rêve d'anarchie était un rêve d'ordre, de paix. Alors que ce monde de capuchis, de gangstérisme légal donne de la nausée. Un honnête homme à 100% n'est pas viable dans une société capitaliste. Et que sont les anards devenus? Bonne question. À mon retour du bagne sur Paris, le milieu anarchiste était miné par les dissensions et mes compagnons de jeunesse avaient depuis longtemps quitté le bateau des idéaux. Les idées sont une chose, les hommes en sont une autre. Mais il y a toujours quelque part quelqu'un qui meurt pour des idées. Dans la vie sociale d'aujourd'hui, je suis perdu, noyé, englouti. Le commerce, comme je l'entends, ne peut plus se pratiquer. À Paris, c'est infernal. En bref, je suis fini, disparu, dépassé. Cette vie parisienne heurte tous mes rêves, dissipe toutes mes illusions. Il y a 50 ans, un anard, et il y en avait dans toutes les classes, pouvait s'offrir le luxe et le plaisir d'écrire sans salaire. À présent, pas. On écrit pour ceux qui payent. L'individu tend à disparaître pour céder la place à un robot social. Le veau d'or est plus puissant que jamais. Je radote comme un vieux franciscain racine, n'est-ce pas, ma chérie? Et je sens ton rire de merle moqueur siffler à mes oreilles. Mais tu me demandes mon opinion sur l'enfant, sur l'homme, alors je te le donne. Ils se mueront en majorité en moutons pour servir de pâture à quelques-uns. Les plus forts, les plus futés, les plus aisés, disons le mot, les plus criminels. La perfectibilité de l'homme est un mythe. On supposait que le changement de structure sociale ferait disparaître toutes les tares humaines. Hélas, hélas, il y aura toujours des castes, des hiérarchies, des conflits, de la violence. Tu penses, pessimisme de vieillard? Bien sûr, je croyais en un monde meilleur. Bien sûr, la jeunesse doit croire en la révolte pour son avenir. Mais moi, je ne crois plus comme toi, mon amour. Et il y a un homme en lequel j'ai cru. Et je n'ai point été déçu. Le docteur Rousseau. La désillusion me gagnait quand débarqua au bagne, sur l'île du Salut, ce nouveau médecin. Un commandant de la colonie, Louis Rousseau, non prédestiné car il avait plus du philosophe que du militaire. Un homme tout simplement dans cet univers déshumanisé. Après toute cette malchance, ces échecs d'évasion, de démarches, de sollicitations légales, voilà un clin d'œil bienveillant et souriant du destin. Une rencontre s'ouvrant délicatement à l'amitié, une écoute, un échange s'amplifiant de jour en jour. Mais oui, non. Pour la première fois depuis tant d'années, un homme libre, d'égal à égal, me parlait. L'homme, le médecin, le commandant, dégoûté et révulsé par l'horreur pénitentiaire, redoublé d'activité pour améliorer le sort des transportés. Connaissant peu la juridiction pénale, il me demanda de l'aider. C'est que je n'ai pas de diplôme, je ne suis qu'un autodidacte. Voilà, nous allons arranger cela. Tu seras assigné auprès du comptable gestionnaire. Tu auras du temps pour te documenter et tu me fourniras de précieuses informations. J'ai l'intention d'écrire un livre, Médecin au bagne. Je l'aidai du mieux que je pouvais pendant les 2 années de sa présence. Nous correspondions encore après ma libération et jusqu'à l'apparition de son ouvrage en 1930. Ouvrage auquel il eut la délicatesse de m'associer. Nous étions fort différents et semblables à la fois, deux manières de vivre et sentir l'âme de l'anarchie. Oui, ma chérie, cet idéal qui nous fit nous connaître, nous aussi. Et nous lier bien au-delà de l'idéologie. Eh bien, cet idéal, on le trouve parfois là où on ne le soupçonne pas. Et c'est là tout son charme. Peut-être mon cœur, en Rousseau, vois-tu un frère ou un père? Et dirais mon amour que de mon père, j'ai peu parlé. Et d'enfance encore moins, moi, ni fils, ni père. Ouvrier boulanger, puis artisan boulanger, mon père prit goût à l'alcool, brûlé, coulé par les bouteilles de Pernod, fils à 72 degrés. J'ai appris sa mort alors que j'étais en prison en 1903. J'avais une enfance heureuse, c'était un bon père, anticlérical, et il accepta tout de même de me mettre à l'école religieuse et que je sois enfant de cœur. J'étais un bon gamin, surtout si l'on écoute ma mère. Oh, mon petit était bien tranquille, on aurait cru une fille, il jouait avec des chiffons et des poupées. Moi, je me souviens surtout des jeux de billes place Saint-Michel et de la petite voisine, Augustine Charpentier, de 3 ans mon aînée. Le jeudi, nous allions au Faro dans une barque, bader la mer et les reflets. On s'embrassait, on se chatouillait. J'étais amoureux. J'aime les enfants de Reuilly, ma chérie. À déjeuner, aujourd'hui, j'ai invité les gosses. Un petit banquet. Ils s'en sont mis plein la lampe. Gâteau, semoule nappée de crème anglaise. Zézette et Négro ont tout léché. Les gosses ont reçu tes cartes. Ils veulent t'écrire. Aujourd'hui, j'ai eu envie de leur acheter des jouets. C'est fait. Zézette en a gâteau de temps en temps. Allez, un dernier chicoulon, un dernier verre pour la route, comme on dit. Pourquoi n'ai-je pas eu d'enfant? Je sais ce que tu penses, mon ange. Tout serait différent avec des enfants. Leur présence, leur existence me ferait renoncer. La solitude en soi ne me pèse pas, j'ai l'accoutumance. Mais cette solitude se complique de mon amour pour toi, ma chérie. J'ai essayé la qualité du charbon. Ne sois pas peinée, ma petite. Tu sais, à mon âge, il est plus sage, plus raisonnable de clore soi-même. Faire la nique à toutes les infirmités. Partir en bonne santé, de la félicité plein le cœur. Comblé d'avoir goûté, grâce à toi, à des joies méconnues. Nous nous sommes aimés pendant 10 mois. Nous nous sommes dit ce que nous avions à nous dire. Et j'ai osé dire de ma voix de vieil homme, je t'aime. C'est un sommet. C'est une cime. Ma dernière vision sera ta jolie frimousse rieuse et riante, aux yeux brillants d'amour et de tendresse. Allons, Négro, mon vieux compagnon, nous partons. Nous embarquons pour nulle part, mais non sans Dieu, car tu seras mon Anubis, Dieu fait chien, chien sauvage fait Dieu par les Égyptiens. Quoi de plus solennel? Et les sourds que nous sommes écouteront Mozart et le patipati de mon cœur amoureux. Dis-le. Remercier Vincent de nous avoir présenté des épisodes de la vie d'Alexandre Marius Jacob que vous pourrez retrouver alors dans la bibliothèque. On a, Je pense que c'est les vocales qui t'ont inspiré. Oui, tu nous en diras plus. Les lettres, entendre les donc, lettres. Donc là, tout ça, c'est le recueil de tout ce qu'a écrit Alexandre Jacob, en particulier à sa mère, pendant ses années de bagne. Et c'est une écriture, on le voit, qui est assez exceptionnelle, aussi, pour quelqu'un qui avait pas à peine été à l'école, qui avait commencé à travailler très jeune. Alors, une des premières biographies qui est parue, c'est Alain Sergent, qui avait rencontré Jacob, ça c'est son vivant qu'il avait fait ce texte, là, qui a été réédité par les éditions Libertaires. Et puis, alors on a Jean-Marc Delpech, qui il y a quelques années a fait une thèse. Donc c'est un prof d'histoire, tranquille, il a fait une thèse, ça ne lui apporte rien au niveau universitaire, hein, il est toujours enseignant dans un collège ou un lycée des Vosges à Saint-Dié. C'est un gars qu'on a fait venir aussi, qui nous avait parlé d'un livre sur le bagne, mais je pense pas que c'était, je me souviens plus. Mais c'est en main, c'est pas ça. C'est un bouquin qui a été réédité chez Libertadelle il y a pas longtemps avec des photos, mais je crois pas que c'est Louis Rousseau, c'est un autre, quelqu'un qui a travaillé au bagne et qui a dénoncé le bagne à travers les photos. Mais moi, je me suis demandé, justement, ouais, parce que c'était un médecin quand même, hein. il a dénoncé les conditions du bagne. Je me suis demandé si c'était celui-là. Donc ça, c'est à peu près, ce bouquin publié chez ACR, c'est à peu près la thèse un peu remaniée. Et puis aperçu les thèses, c'est pas toujours ce qu'on va lire. Donc il a fait un petit bouquin qui est beaucoup plus facile à lire. Donc c'est le dernier paru sur Jacob, et je vous conseille de le lire, c'est très bien. Et puis là, on en a trouvé, c'est des extraits des écrits de Jacob. Voilà, que vous avez là. Et si, bon, Marie-Bonne vous l'a dit au début, au mois d'août, alors tu demandais pourquoi le mois d'août. Parce qu'à chaque fois, quand on fait le calendrier, bon, c'est un travail, bon, il faut trouver les contributeurs, et puis après, il faut les placer chaque mois. Alors, on va chercher des trucs tordus dans les dates de naissance, dans les dates de mort, mais des fois, on ne trouve pas, parce que Vincent est toujours en vie, il frappe aussi, heureusement. Donc, on a trouvé que le 6 août 2011, le TRAC avait présenté « Révolte dans les Asturies ». Alors, voilà. En général, on met une date au début, puis après on met le texte comme ça. Et ça a été, là, ce calendrier, ça a été un travail intéressant. Enfin, on a fait des nouveaux contacts, notamment Vincent, on l'avait déjà croisé, mais on ne s'était pas vraiment parlé. Puis on a rencontré Marie-Claire Calmu, qu'on va faire venir bientôt, je pense, aussi, puis d'autres. Et c'était marrant à faire. Voilà. Donc maintenant, la parole est à vous. Posez toutes les questions que vous voulez à Vincent sur le tract, sur Jacob, sur Camus, hein, parce que bah, là, justement, tu le connaissais, Jean-Marin ? Oui, on s'était croisé à Jean-Marin, c'est bien dit, lorsqu'il y a eu le week-end sur les libertaires, Camus et les libertaires. Nous avons sorti de l'armoire, parce que ça fait partie des quelques petites choses de Serra qui sont vraiment sous clé. Donc là, ce sont deux objets qui ont appartenu à Alexandre et Jacob. Wow. Et la boîte à secret. Mais là, c'est toi qui vas la réouvrir. Ouais. Donc on a eu aussi Rennes en Arécu, on doit avoir des textes, on doit avoir un dossier avec des documents qu'on a récupérés. Et bon, justement, ce dernier amour de Marius Jacob, c'était quelqu'un qui s'appelle Josette Duc, et qui est toujours en vie, qui est adhérente au CERA, et elle est venue à Marseille. On avait fait un petit colloque sur Jacob, là, et elle est venue, elle avait fait un texte. Et c'est avec qui elle a porté les objets? Je ne sais pas par qui on les a eus. Non, je crois que les objets, on les a là. Par contre, pas la moindre idée de qui te plaît. Hein. C'est merveilleux. Avez-vous des photos de Jacob? Pour en venir à Josette Duc, donc son dernier amour, un copain avait écrit un texte aussi pour le collage, il m'a fait une lecture, j'ai participé, et c'était génial parce qu'elle était juste devant. La journée avait été un peu longue et elle commençait à être un peu vieille, et au bout d'un moment, elle s'endormit. Et... enfin, en tout cas, moi, je sais qu'il avait juste le nez. Faut le circuler. C'était marrant. la solution. Oui, bon, ça, c'est un... Mais la boîte, elle est grande. Alors, c'est bon. Tellement extraordinaire, cette histoire d'amour, c'est que moi, je lisais les lettres, mais j'avais... C'est là. Je pensais que c'était frère et sœur. Ah, d'accord. Je pensais pas que c'était le mari, parce que d'abord c'est son mari qui est venu voir Marius. C'était un groupe de militants anarchistes. Voilà, ce groupe de militants, et donc il venait en bicyclette. Et après il a fait connaître donc à sa femme. Mais moi, quand, dans l'échange des lettres, comme c'était le même nom, je pensais que c'était un frère et une sœur, parce que je n'avais pas compris quand t'as avancé. Il a même, puisqu'ils sont restés, il y a des chandelles. Je n'arrive pas à comprendre cet amour assez extraordinaire, parce qu'apparemment, Primari s'est effacé pendant un petit moment. Bah, on laissait vivre cet amour. Voilà, c'est ça. Bon, on a toutes les lettres comme ça, mais à travers les lettres, c'était tellement fabuleux que je disais, ok, c'est le frère. C'était son compagnon, mais. C'est écrit nulle part. C'est étonnant. Il y a une différence d'âge là pour toi. Hein. Ben 27 et 73 ans, je crois. Oui, la chose à ce que je voulais dire aussi, donc cette vie aventureuse, elle est... Ah oui, alors, je finis juste. Cette vie aventureuse, évidemment, a inspiré des textes comme ça, comme des textes théâtraux. Et puis aussi, on a deux BD qui ont été faites. Et alors, on dirait que ça ferait quelque chose de formidable au cinéma. Il y a quelqu'un qui a pensé. Et c'était Bertrand Tavernier qui avait, dans un film qui s'appelle Des hommes ordinaires, il y a une petite allusion à Jacob dedans. Donc si vous revoyez, c'est un film qui est... Bon, Tavernier, c'est pas mal. Là, c'est une histoire de locataires qui se battent contre le propriétaire, et comme ça. Et un des personnages est un réalisateur. Et il évoque les derniers jours de Jacob, son suicide et tout ça. Et à un moment, t'as, mais pourquoi... Et moi, j'ai rencontré Tavernier où il présentait ce film. Et ça fait titre, j'ai Jacob dans un film comme ça, dans le public. J'ai trouvé ça assez insensé. Donc à la fin, bon, j'ai pris mon courage à deux mains. Et c'était une avant-première. Donc je suis allé voir Tavernier, je lui ai dit, mais vous connaissez bien Jacob. Et il dit, oui, il avait lu le bouquin de... Il y a eu un bouquin de Bernard Thomas. Et il dit, oui, j'ai lu ça, je trouve cette vie formidable et j'aimerais faire un film sur lui. Bon, et c'était en 77, et bon, Tavernier n'a jamais... Bon, il est toujours en vie, alors on peut garder l'espoir, mais il n'a jamais tourné ce film. Le personnage d'Arsène Lupin, il est tiré de ce... On dit qu'il se serait inspiré. Alors, au procès, c'est ça ? Non, si vous lisez ça, ou ça, il va vous démonter, il n'y a aucun rapport entre Arsène Lupin. C'est pas sûr qu'il ait été au procès d'Amiens. Je crois qu'il n'y a aucune preuve qu'il y était. Et après, c'est deux personnages complètement différents, parce que Arsène Lupin, c'est un personnage bourgeois qui fait ça pour sa pomme, et alors que Jacob, c'est vraiment c'est un militant anarchiste. Moi, je le connaissais, les travailleurs de la nuit, en fait. Voilà. On disait les travailleurs de la nuit, ça faisait partie de... Oui, mais c'était les travailleurs de nuit, c'était le groupe de cambrioleurs. Oui, c'est la dizaine, douzaine de personnes qui travaillaient avec lui. Mais Lupin... Et alors, Jean-Marc Delpech, qui est un copain, il fait un blog. Hein. Allez sur Internet, vous faites blog Jacob, et puis vous allez tomber dessus. Il passe son temps, dès qu'il y a des articles sur Jacob où on parle de Lupin, ça le rend fou. Il y avait un gars au procès qui a suivi le procès, qui s'était inspiré pour incarner ce rôle-là. Mais il faut dire que Sergent, il alimente un petit peu ça avec un cambrioleur de la belle époque. Voilà, mais c'est vrai que même moi, quand on dit son nom, autour de moi, personne ne sait qui c'est. Alors, il dit, bon, pour savoir à peu près, je nomme quand même Arsène Lupin. C'est un cambrioleur, parce que sinon, on n'a aucune référence. Il n'y a aucune référence. Donc, ça facilite la référence pour dire, voilà, mais dire c'est un anarchiste, voilà, et après, ajouter. Ça, parce que ça permet de dater, de dire voilà, que c'est ce cambrioleur, voilà, et que voilà. Mais c'est vrai que ça n'a rien. Alors il y a eu aussi, j'ai pas la télé moi, mais j'ai vu que dans un programme télé, il y a eu un premier documentaire qui est passé à la télé. J'ai été étonné, donc, mais il n'y a pas tellement longtemps. Donc il faut savoir pour. Oui, exact, il y a une référence. En tout cas, j'ai été étonné de voir qu'il y avait un document, je ne sais pas si c'est Arte ou. Ouais, je ne sais pas si on appelle une copie, ça. Mais il faut savoir, si on peut trouver, mais comment ça a été fait, quoi. Donc, parce que je n'ai pas vu. Alors cette Josette, après les 10 mois ensemble, elle l'a quitté, c'est ça ou bien, oui, c'est oui. Pas... Ben, alors on ne sait pas. Moi, je sais, je suis resté sur les échanges de lettres. n'y a pas beaucoup de commentaires là-dessus, hein, donc je parle sur la vie même de cette aventure-là. Mais moi, ce que j'ai cherché d'être senti, d'être au plus près de ce qu'avait écrit ou dit. Bien sûr, il y a ma propre, il y a mon découpage qui appartient, avec Judas, parce que. Vous voyez, le gros tome là-bas, hein, donc en faire une heure de lecture, en faire quelques pages, bon voilà, quand on a tous ces documents, on est un peu perdu, hein, donc on est obligé. Voilà. Mais donc, ce qui me semblait le plus pertinent, c'est que chaque fois que j'avais le vrai texte, les vraies choses dites par lui, je mettais ce qu'il a dit. Quoi, voilà. Mais bien sûr, donc, voilà. Mais donc, j'ai tiré ça des vraies lettres. Quoi, voilà. Bon, après, évidemment, je crois que l'histoire exacte de Josette Duc, bon, ils se fréquentaient, et pendant un mois, ils ont vécu ensemble, donc, comme tu as dit, son mari s'est effacé, et après, elle est rentrée chez son compagnon. Quoi. Et bon, il est mort quelques mois, enfin, peut-être un an après, je crois. Oui, mais après, d'ailleurs, il veut dire, voilà, donc c'est vrai que, voilà, c'est qu'il avait ça en plus. Bon, déjà, il avait décidé de toute façon de ne pas vouloir vieillir au sens d'avoir la sénilité, ou que sais-je, etc. Donc, il a décidé que. Et moi, je commence un petit peu, mais ça, c'est moi qui le dis, de ce corps à corps avec la mort. Bon, ça, c'est plutôt mon texte avant, il n'y a rien écrit là-dessus, mais le fait de dire que je déciderai aussi de ma mort. Je pense que c'est une prise de décision, vu qu'il a toujours tout, Dieu. Voilà. Et donc, par contre, ce qu'il dit dans une lettre, c'est que la solitude, il est habitué, mais le fait, de, après avoir vécu ce grand amour, ça lui pesait évidemment de rester seul après. Et donc, pour lui, c'était le summum. Quoi. Donc, à la fin de finir, après ça, après avoir vécu ça, dire, ok, ça, c'est. La beauté, en quelque sorte. Moi, j'ai écouté très attentivement, et comme en ce moment je lis beaucoup Jack London, j'ai trouvé qu'il y avait des ressemblances parfois, peut-être parce qu'il s'agit d'hommes, mais il y en a qui va au bagne. L'autre qui va en prison plusieurs fois pour vagabondage quand il est jeune. Mais il y a autre chose qui me fait penser à vous et à Marie Jacob et à London. Quelque part, London qui était socialiste était aussi perçu comme anarchiste parfois. Et si j'étais peut-être plus jeune, j'aurais aimé faire un travail d'être, comme on raconte maintenant dans les universités, entre London et Jacob. Je trouve qu'il y aurait de quoi vraiment écrire et dire et chercher encore. Alors, moi, sur moi aussi, j'ai fait chercher les termes de mon père-en-père, mais par contre, j'ai toute l'œuvre de London et je me suis toujours dit que je ferais un jour. Quelque chose comme de ce type-là sur London. Quoi. C'est-à-dire mais évidemment, le problème avec London, c'est encore pire, parce qu'il y a tellement une œuvre immense que je ne peux pas. Voilà. Alors, c'est plutôt rester sur sa vie de London et faire quelque chose peut-être dans ce genre-là. Mais c'est tellement immense de comme travail. Mais c'est vrai que j'ai toute l'œuvre de London et je me disais. C'est tellement réel, parce qu'il a écrit sur ce qu'il a vécu et vu maintenant. Et celui de son imaginaire, il s'est servi de la réalité quand il va à Londres et qu'il vit trois mois avec les refoulés de la société en s'habillant comme eux, en vivant comme eux. On voit que vraiment, il cherche à nous montrer la réalité de la vie et pas. Ils ont quand même aussi pas du tout la même vie, parce que quand on a passé 25 ans de bagne, on ne peut pas avoir la même vie, mais cette âme d'aventurier aussi. Donc, voilà, il y a un combat politique qui les rapproche, il y a un combat politique, une sensibilité à ce qu'est l'humanité, mais aussi cette âme d'aventurier. Bon, il n'a pas pu la développer aussi, mais le fait de partir à 11 ans sur un bateau. Jacob, c'est ce côté aussi, London, de partir dans London est parti jeune, déjà pêché, mais je ne sais plus quoi, et en même temps, à un moment donné, il a choisi de surveiller les voleurs. Il a beaucoup connu la mer aussi, comme étant. Il a raison, oui, il y a un peu Je conseille de lire London à ce point. Alors, non, mais tu as raison de... Alors, effectivement, il était plutôt socialiste, mais ses textes sont intéressants. Et puis là, il y a nos amis libertaliens qui viennent de rééditer Le Talon de Fer. Avec une nouvelle traduction. Et ça, je vous... Non, on l'a pas, on l'a pas... Donc Le Talon de Fer, nouvelle traduction. Alors ça, je crois que c'est, comment on appelle ça, une dystopie, quand on imagine le futur. Enfin, il imagine le futur avec la révolution, mais ça se passe mal, évidemment, etc. Une dictature. Là, c'est ça. C'est évident quand c'est des révolutions qui ne sont pas des révolutions à la libertaire, qui sont des révolutions totalitaires. Voilà, c'est moi, je crois que les deux sont très forts. Alors, cas, on sait ce qu'ils conservaient dans cette boîte ou... Bah non, on ne sait pas tout. Là. Parce que, au bagne, en principe, il n'a le droit de rien avoir. Oui. Donc ça fait partie des... Et ça ne rentrait pas dans son anus. Non, ah, c'est... Ouais, c'est... Comment ça, t'as dit le... Oui, il y a le mot dans le... Mais c'est effectivement, dans tous les récits sur le bagne, ils parlent de ce truc en forme de suppositoire qui est arrondi, où ils cachaient leur... s'ils avaient un peu d'argent, des trucs comme ça. Ça, dans ce plan, c'est comme ça. Ça peut être très bon. J'aurais fait une comparaison avec Jean Genet. Avec pas en étant politisé au niveau anar, mais peut-être plus tard. Jean Genet, mais... Le plan. Oui, Jean Genet, mais non, c'est quelqu'un de très engagé aussi, avec les Palestiniens. Ce qui est curieux, c'est qu'ils ne sont pas revenus à Marseille. Donc, ça, c'est... Jacob. Mais il n'y avait pas des interdictions de séjour. Je ne sais pas. Pas... Ça, je ne sais pas, mais possible. Souvent, quand ils possible. Sortaient du bagne, ils n'avaient pas le droit d'aller dans des grandes villes. Et ouais. C'est à Paris, ils ont débarqué à Paris. Et ça durait très très longtemps. Quoi. Ouais. Ils n'avaient qu'à Paris. Oui, oui. Quand il a débarqué, comme il était à la prison de Fresnes. Oui, non, mais de part où je ne sais pas pourquoi. Après, j'ai rien lu. Les grandes villes, surtout les villes où les forfaits avaient été faits. Donc, il faut qu'ils soient interdits à Marseille. Il y a un épisode avec Loti. Si, bien sûr, c'est le fameux. Il a fait une allusion à l'autre. Voilà, le fameux écrivain, qui n'a pas. Alors, l'histoire, c'est il cambriole une baraque, il commence à ramasser plein de trucs, puis il s'aperçoit que c'est Loti, il remet tout en place et il laisse de l'argent pour réparer le carreau cassé. C'est quand même pas mal. Je peux poser une question, encore dire quelque chose? Est-ce quelque part, quand j'entends l'amour qu'il avait pour sa mère, je pense à Camus et au dernier homme. Alors, je vais vous dire quelque chose de très précis là-dessus, parce que je sais plus où je l'ai vu, parce qu'on lit tellement de choses, vous demandez. D'abord, le sous-titre que je voulais mettre, c'était parce que quand j'en parle à des gens non politisés, c'est vrai que cette question-là, parce que si je dis, je lis un texte sur l'anarchie, sur un voleur, non, mais c'est le rapport à la mer, effectivement. Beaucoup de... Et alors, je veux dire quelque chose de précis là, il y a la phrase que je reprends là-dedans, qui dit, qu'a écrit, c'est l'humanité, c'est toute l'humanité. Cette phrase a été reprise par Camus. Pour parler de sa propre mère. Alors, je ne sais pas comment Camus l'a lu et à quel moment il a pu lire ça. Et moi, je ne sais plus où je l'ai lu non plus. Non, je ne pense pas. Enfin, je l'ai lu plutôt en lisant des choses sur Camus. D'accord. Mais je crois que j'ai dû le noter quelque part. C'était par hasard qu'il est. Parce que j'aimerais justement le mettre, si j'avais à communiquer là-dessus, je voulais le mettre, ce rapport entre Camus possible. Parce que aussi c'est un mode d'entrée aussi plus politiquement correct. C'est pas le cas de lui, quoi, de dire voilà, il y a quand même un lien aussi. Et en plus que Camus cite, enfin, que Camus prenne cette phrase de Jacob, je trouve ça. Et voilà, donc. Que par le fait de travailler sur Camus, de travailler sur Jacob, il y a cette phrase qui sont en commun, pour moi aussi ça fait un petit signe, quoi, un petit truc, une petite loupiote qui s'allume, c'est drôle quand même. C'est drôle. Et c'est voilà. Parfait. Donc sa mère a quitté Marseille et s'est installée. Oui, mais sa mère, voilà, elle a, à partir du moment. Et sa mère, elle a été chaque fois plus proche d'où il était. Quoi. Donc, et là, maintenant, il travaillait toute sa vie, elle n'a jamais cessé de croire qu'il arrivera à le faire sortir. Quoi. Mais surtout, ce que je trouve hallucinant, ils étaient obligés de s'écrire par code, donc il y a des codes pour dire à sa mère, y compris le fait quand. Alors, dans le gros bouquin, il y a les traductions du code, hein, donc de quoi il parlait, pour dire, il parlait d'autres gens, pour dire on parle d'un tel, et en fait il y avait un code. Mais je ne savais même pas comment il transmettait le code, puisqu'encore fallait-il donner le code, quoi. Et ça, ça reste un mystère. Hein. Et donc, y compris pour faire des choses extrêmement dangereuses, faire passer des pistolets, il faut quand même le faire. Donc, c'est pas arrivé, mais. Mais même le fait d'arriver à construire des boudins, d'arriver à subtiliser des produits pharmaceutiques, des produits, d'arriver, on n'arrive pas à comprendre comment, parce que, on n'arrive jamais à savoir, car aujourd'hui, on a les prisons, comment ça se passe, comment on a les portables, là, comment au Brésil, il y a des règlements de compte de centaines de morts, etc. Mais là, c'est pareil, donc on peut dire comment. Parce qu'en fait, c'est presque la lame quand il écrit. Ça peut être des complicités de gardiens, hein, aussi, qui sont achetés. Mais même quand on lit le truc, ça, le fait qu'il soit resté en vie, mais c'est même inimaginable. Ah oui. Parce que quand il a été au quartier, parce qu'il y avait des mouroirs, il y avait des endroits où gens crevaient, quoi, parce qu'ils avaient chopé des maladies infectieuses. Bon, avec, voilà. Comment être échappé à ça? Comment être resté. Il y a l'anecdote. Des mis de pain incrustés dans le mur que laissaient certains prisonniers, et ces croûtes-là qu'ils mangeaient quand il était offert. Quoi. Donc, oui, c'est hallucinant. Mais moi, j'ai connu un village en Corse, à Zan, près d'Ajaccio, un ancien délégué, un relégué du bagne, et l'ancien maton. Et tous les deux, ils étaient sur le banc, là, les deux papis, là, ils se parlaient, quoi. Ils avaient fait 30 ans ensemble, quoi. Un gardien, l'autre, mais ils se sont beaucoup aidés, quoi. C'est le gardien qui a beaucoup aidé. Le fait qu'ils soient du même village, ils avaient droit à une noix de coco, ils avaient droit à un peu plus que le minimum pour pouvoir survivre. La sélection naturelle, elle a joué. Le pire, c'était les diables avec les enfermements, là, les cellules à toit ouvert. Non, vous même pas, oui. Vous ne pouvez même pas bouger. Vous ne pouvez pas se mettre debout, même pas. Sinon, les camemberts, c'était atroce. Est-ce que ça a été difficile de faire ce travail? Je suppose qu'il y a beaucoup de recherches de construire. Oui, difficilement, parce que c'est un grand plaisir de lire tout ça. Quoi. La difficulté, c'est après, c'est la masse d'informations. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va faire quelque chose de tout petit. Quoi. Donc, voilà. Même là, j'ai encore diminué par rapport à ce que j'avais. Parce qu'il y a des choses amusantes qu'on veut dire. Quoi. Alors, évidemment, on n'a que les lettres écrites par lui, puisqu'elle a pu garder. Et lui, il ne pouvait pas garder vraiment des lettres écrites par la mère. Donc, on devinait dans les réponses de quoi parlait la mère. Mais évidemment, on n'a rien des lettres des mamans de la mère. Mais la mère ne l'a jamais lâché. Hein. Jamais, mais c'est ça. C'est une chose. Oui, là, c'est vraiment, il n'y a que là-bas. Et pour finir, combien de temps vous avez mis pour faire ce travail? Alors, dans le temps, c'est très long, parce que les projets naissent comme ça à un moment donné, puis un texte naît 10 ans après, par exemple. Alors, on ne peut pas avoir rien que le temps pour lire. Comme je ne lis pas tout d'un coup, j'ai mis plusieurs années à prendre des notes, jusqu'à ce que je suis mûr pour écrire quelque chose. Mais voilà. Et le découpage excellent, c'est très bon. Je veux dire, cette espèce de tourne en rond autour du personnage, comme ça, là, je pense qu'on arrive. Oui, parce que on ne peut pas faire la chronologie, parce c'est que... C'est ça, le plus facile, c'était ça, de partir, je suis là, je finis comme ça, Et là, ça tombe tout à fait entre dames, et on est pris dedans, et... Tu l'as lu entièrement, c'était des extraits. C'est presque entièrement, parce que je fais des coupes encore dans le texte initial que j'avais. Et ça va finir par un scénario dans le théâtre ou chose comme ça? Alors, il y a une deuxième vie à ça, dont les deux interprètes sont là. Une deuxième vie parce que une compagnie de Marseille donc a fait s'est inspirée de ça et puis évidemment de la vie pour faire sa propre adaptation. Roland en est le comédien et je te salue, je suis très heureux que tu sois là. donc le metteur en scène et la compagnie qui est basée où à Marseille, je ne sais même plus, mais bon, voilà. À Marseille. À Marseille, mais voilà. Oui, parce que t'as pas de vieux. Non, pas de vieux, voilà. Hein. Non. Voilà, mais pour en dire deux mots, si ça me plairait, moi je vais dire deux mots. Oui, on a fait ça avec Jérémy, on a créé au mois de novembre de 2015. On l'a créé au Trag d'ailleurs, on était l'acteur au Trag. On l'a joué ensuite à Marseille, à la bibliothèque Gaston de Ferve. Donc ça s'appelle Travailleurs de la nuit. Il y a aux archives, vous avez joué aux archives d'abord, non? C'est la création aux archives, oui. Ah, c'est ça qui a fait la même salle. C'est la même salle, oui. Les archives, c'est Gaston de Ferre. Oui, bibliothèque. C'est Gaston de Ferre. On est un vulgaire de la mer. Non, là, ça s'appelle Travailleurs de la nuit. Alors, Jérémy, à partir du texte de Vincent, a écrit une dramaturgie. Et donc, c'est un peu différent. Il y a beaucoup de choses qui sont dans ce texte-là, évidemment. C'est pas toujours dans le même ordre, d'ailleurs. On parle de personnages qui ne sont pas là, mais qui sont dans le texte théâtral. Et donc je joue, c'est un monologue. Là, c'est vraiment une interprétation théâtrale. C'est une interprétation théâtrale. Ah, oui. C'est le texte, lui, par cœur. Pas comme moi. Je termine de la même manière, par contre. Le bâti-bâti de mon cœur amoureux, ça, c'est l'autre. Voilà, et le personnage, et je joue tous les personnages, dont la mère, évidemment. On n'a pas fait quelque chose de réaliste, il n'est pas du tout. Habillé en femme, c'est complètement neutre. Et voilà, je fais tous les personnages, le Marius, évidemment, le chien, la mère, le commissaire, enfin, le policier. Le commissaire, aussi, on raconte le coup du monde qui était à Marseille, là, tous les personnages qui. voilà, etc. Très amusant, ouais. Tous les personnages, tous ces copains anarchistes, bon, etc. Quoi. On l'a fait, alors l'esprit, c'est ce qui nous a. Beaucoup, c'est de le faire avec quelque chose de. On ne veut pas en faire quelque chose de sombre, c'est assez. Comment vous dire. C'est pétillant. C'est pétillant, c'est joyeux. Voilà. On n'a pas. On porte la parole de Marius, mais joyeuse, même quand on évoque le bagne. On ne décrit pas autant, on ne parle pas autant de ça, du bagne. On en parle, évidemment, hein, un peu pas. Mais c'est. Ça reste. Ça pourrait. Bon, ça n'est pas du musical, mais c'est quelque chose d'assez festif, quoi. Voilà. C'est donc. Normalement, le texte, là, il est prévu avec des chants, hein, mais moi, je suis pas chanteur, mais en effet, dans mon écriture, il y a des clins d'œil à tel ou tel chant anarchiste, quoi, donc il y a une espèce, voilà, et y compris quelques chants de l'époque, et même un qui aurait été, parce que dans le livre, le gros livre, il y a en effet des chants anarchistes de l'époque, bon, j'aurais aimé en effet en reprendre quelques-uns, voilà, mais ça, je sais pas. Mais tu avais dit que si je voulais les chanter, il fallait attendre moi un an de plus. Eh bien, j'en ai compris, parce que c'est vrai que ce serait bien de le faire, on était avec. Voilà, j'aimerais bien. Mais parce qu'aussi, bon, Montréal, le Festival international anarchiste, évidemment, donc là, les Montréal sont théâtralisés. Alors que, ouais. Bon, moi, bien sûr, c'est interprété ma lecture, mais c'est pas du théâtre. Voilà. Alors que Roland, c'est vraiment une pièce de théâtre. Voilà. Une mise en scène, bien sûr. Hein. C'est un plateau nu, il y a une chaise, c'est tout, mais parce que c'est éclairé, c'est mis en scène, etc. Le collectif, bon, il ne faut pas le nom de la compagnie, ça s'appelle le collectif Manifesterien, donc il travaille beaucoup là-dessus. Moi, j'ai réussi à en parler avant. Manifesterien. Le collectif Manifesterien, il travaille beaucoup. Travaille sur l'histoire, hein. Sur l'histoire, sur les sciences sociales, etc. Donc c'est très fort. Il y a une mise en scène du bouquin de Delombrie à son histoire de Marseille. Oui, c'est ça. Le massacre des Italiens. L'histoire universelle de Marseille. Ouais, mais c'est vrai que la chose. Et les écrits sur le mal. Mais c'est pas grave. Excusez-moi. Non, c'était juste pour dire que c'était la chance qu'on a eue, parce que nous, on l'a monté assez vite. Avec une pression terrible, parce que quand on doit travailler vite, on est quand même sous pression de l'urgence, quoi. Mais avec deux sessions de résidence et d'écriture avant, on a repris aussi avec Roland le texte aussi au plateau. Et c'est vrai qu'on est parti du texte de Vincent et du dernier livre de Delpech, qui du coup était un résumé de sa thèse. Et c'est vrai que c'était vraiment bonnard de pouvoir travailler avec tout le travail qu'avait fait Vincent aussi avant. Et de garder sa poésie. Enfin, moi, j'ai essayé de garder toute la poésie. C'est un texte qui est qui a une forme assez importante dans son lyrisme, quoi. Donc garder ce lyrisme-là en essayant d'y mettre l'analyse un peu plus historique de Delpech, quoi. Mmh. Essayer de garder ça, et c'était assez touchant là, de... Enfin, pour nous c'est spécial parce qu'il y a la moitié du texte qu'on utilise, la moitié qu'on n'utilise pas on la connaît aussi. Et du coup c'était aussi marrant de voir, parce que moi j'ai bien aimé travailler avec Roland qui est quelqu'un qui est plus âgé que moi, et aussi de voir avec toi, de voir comment vous avez travaillé ensemble aussi avant. Et ça c'est juste pour la petite histoire, mais de voir tout le boulot que vous avez fait de théâtre avant sur le théâtre populaire et tout, de voir aussi ce qui reste là de vous, de comédien à comédien, c'était assez intéressant. Alors c'est sûr que nous on a utilisé tout le travail qu'il a fait de Richard, on l'a utilisé, de boulot c'était plus facile à partir de là. Et puis un petit truc qui est derrière, Marius Jacob, pas de problème, mais si vous voulez, Vincent et moi on se connaît depuis 1968, donc... on sait des choses de nos vies, c'est des choses de ma vie, etc. etc. Et à l'intérieur du texte, comment il a écrit, comment il a pensé à quelqu'un de très précis, il a pensé à Marius, évidemment, il a écrit le texte de Marius. Mais dans ma famille, il a pensé à quelqu'un qui est un de mes grands-oncles, qui était un des vieux communistes résistant, quoi. Il était un peu beaucoup stalinien, mais disons que... voilà, il est là en filigrane, et ça, si vous voulez, dans la sensibilité pour aborder notre travail sur le travail des personnes, ça m'a aidé, ça m'a guidé un peu. Quoi. Ça, c'est tout à fait intéressant, parce que de toute façon, je veux dire, c'est ça, c'est que des bons, des trucs. Bon, ça, c'était pour l'anecdote. Quoi. Oui, mais une création, c'est ça, hein, donc c'est toujours un humain qui pense à des choses. Quoi, hein, donc, dans le travail que tu as fait aussi, il y a une phase aussi où le contexte historique est plus explicite. Voilà, c'est ça. Hein, ouais. Quand tu fais les journaux de l'époque et tout, etc. Non, la visite du président de la République. Voilà, donc tu places le contexte historique qui est lié aussi à ta démarche de recherche, sociologie de l'histoire, etc. Quand on parle de la visite de l'histoire, qui est quand il a été arrêté, Marius a été arrêté. Les attentats anarchistes, etc. Les attentats anarchistes. Voilà, pour présenter ce climat-là, pour présenter. Et sinon, juste une autre, c'est pour dire sur le bagne, là, moi je sais que quand j'ai lu du coup le texte de Vincent, et puis aussi du coup la bibliographie sur laquelle il avait travaillé, quand on voit le personnage, quand on dit la sélection naturelle au bagne et tout, c'est pas tellement physique que ça se joue, à mon avis, c'était surtout cette volonté de faire, ouais, et cette droiture qu'a eu ce mec du début à la fin qui fait, il fait qu'il était très doux. Mais qui pouvait être aussi extrêmement violent, puisque pour lui c'était qu'une volonté, qu'une recherche de vérité qui devait tracer absolument quoi qu'il arrive. Quoi. Et c'est vrai que le parallèle avec London, London a aussi écrit Les Vagabonds des Étoiles, ouais, qui est un très très beau bouquin de London, qui se marie très bien avec ce genre d'écriture-là. Et ce qui est intéressant à travers Marius, c'est vrai qu'on voit des gens comme London d'avant ou d'aujourd'hui, parce que quand on lit les récits de prison de Jean-Marc Rouillant, par exemple, les passages à tabac qu'il a pu avoir, les prisonniers politiques ont le même traitement que Marius Jacob aujourd'hui. Enfin, ce qui est intéressant, c'est cette volonté de faire qu'ont ces mecs-là qui sont vraiment. Il a un courage, c'est impressionnant. Oui, mais il ne s'est jamais laissé corrompre en rien. Hein. Il ne pas, Jacob. Il ne prenait pas de rien du tout. Il s'est à aucune tentation. Oui. Et, il était d'une intelligence supérieure, hein, beaucoup plus gardé. Et alors, le chat et le chien, c'est vrai. Il a laissé dans sa maison tout seul avec son chien. Il n'a pas tué son chien. Son chien, oui. Je ne sais pas si tu le dis vraiment. Oui, c'est suggéré, mais je ne voulais pas le faire partir. Il le pique avant lui. Ou vous, en tout cas, c'est sûr. Il est devenu le chat. Peut-être le chat. Le chat, je pense que. Ouais. Un chat plus naturellement. C'est autonome, le chat. Ça oublie, le chat. Mais le chat, je pense qu'il a fait, parce que c'est vraiment évident. Il était vieux, aveugle, tout ça. Il était mort sur du monde. Là, j'essayais de retrouver. Alors, c'est un bouquin, c'est un anarchiste qui avait fait aussi des époques idéalistes, qui avait tiré sur je ne sais plus qui à Paris, qui s'appelle Jacob Lowe. Et je sais qu'il critique Jacob, mais j'arrive pas à retrouver le... parce qu'on a tout le monde dit du bien. Et bon, ça c'est les copines de Claire Ozias qui avaient retrouvé ce texte et qui l'avaient réédité. Donc bon, il va falloir relire le passage parce que bon. Enfin, lui, c'est vraiment aussi le gars qui a vraiment, enfin, qui s'en est sorti du bagne, on ne sait comment, parce que. Et c'est quelle époque là ? Et c'est là, ils se sont croisés. Hein, c'est un attentat qu'il a fait en 1907. Et il est envoyé au bagne pendant aussi 10 ou 15 ans. Et après, on perd sa trace. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Là. Il devait être originaire de Pologne. Donc, il a peut-être été victime de la Shoah. Ça, et c'est un texte qui est pas mal. Et, alors, le tout bip, je cherchais le nom, c'est Léon Collin. Donc, les éditions Libertalia ont aussi fait un. Et Léon Collin, dans 1880-1970, donc il était de 1906 en 1910 au bagne. Lui, il est pareil, c'est un médecin qui était particulièrement choqué par tout ce qui se passe la corruption et ça. On peut continuer en buvant un peu si vous voulez vous réchauffer. Et je voulais juste dire que pour ce qui est du bagne, Dostoïevski a été condamné au bagne et le résultat de sa condamnation et de son séjour, c'est qu'on a essayé d'améliorer après le sort du bagne.